Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis à Caen dans le magasin de Karen Lust. Mais Karen, quel succès! Oui Pierre, ils ont tous envie de largeur. Normal, toutes les largeurs de matelas 160, 180 et 200 sont au prix du 140. Et c'est jusqu'à 40% d'économie. Tous à l'opération Grande Largeur jusqu'au 12 juin. Bonjour la nuit, Maison de la Literie est le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Du 3 au 12 juin, c'est la semaine de la coopération agricole. Portes ouvertes, visites d'entreprises, dégustations. Consultez le programme sur la coopérationagricole.coop. Cher et bel et bien chez Intermarché. Eh oui, venez jouer en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Eh oui, le deuxième est gratuit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité, magasin participant sur intermarché.com du 31 mai au 5 juin. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Intersport. J'adore l'été, je vais profiter, camper, marcher et même nager. Tout ce sport, ça me fait rêver. Vous allez adorer l'été chez Intersport. Dès le 25 mai, les t-shirts adultes sont à partir de 9,99€ l'unité. Lotto, Umbro, Jack & Jones, Petron, Only, Tom Taylor et bien d'autres. À vous de choisir. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur une sélection d'articles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Mademoiselle Morini Bosque, je vais vous demander toute votre attention. Et je sais que je peux encore capitaliser là-dessus, à 9h28, en dépit de la nuit longue et difficile que vous avez eue. Nous offrons donc ce matin à nos auditeurs, au 3210, des exemplaires de L'épine du passé. C'est un livre signé Candice Renoir, paru chez Michel Lafon. Et pour cela, il fallait répondre à cette question que vous avez posée tout à l'heure. Comment s'appelle l'adjointe Candice, avec qui elle entretient une liaison? Antoine ou Arnaud? S'appelle Antoine, et même Antoine Dumas, Antoine, tout en roman. Bon, et notez que France 2 rediffuse la saison 1 après 22h35, les deux premiers épisodes de la saison 1, donc on est parfaitement en raccord avec le livre, puisque la série commence là où le livre finit. Vous voulez dire que ce soir, on va avoir le dernier épisode de la saison 4, et puis il recommence et ensuite et toute derrière, la saison. Et derrière, ils enquillent avec les deux premiers épisodes historiques. Donc je peux enfin comprendre Candice Renoir que jusqu'ici, je n'ai jamais réussi à voir. Oui, et puis après, je vous ferai une interrogation écrite. Oui, parce que vous êtes folle de cette série. J'aime beaucoup cette série, oui. Une actrice qui a des rondeurs et qui, franchement, depuis des années, s'est imposée par son talent et que, enfin, on découvre véritablement. Bon, ça vous fait envie, les rondeurs? Je sais pas, parce que vous avez fait la troisième fois que vous en parlez depuis ce matin. Mais non, parce que justement, c'est pas un stéréotype. Elle est très, très bien faite. Bon. Mais elle, c'est pas un mannequin qui mon fait 38 kilos. Elle vous fait passer un message. Absolument. Vous pas. Ne le comprenez pas depuis tout à l'heure. Mais dites donc, vous n'allez pas vous mêler de mon interview. Excusez-moi, j'essaie juste de vous. Alors, on m'a dit bonjour à Julien. Alors, sobre, à l'américaine. Mais sobre. Non, pas sobre. Si, on m'a dit sobre. Alors, bonjour Julien. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, merci. À l'américaine, je c'est sobre. Alors, vous dites bonjour, c'était Yves Calvi, je vous retrouve lundi. Je dirais bonjour, c'est Julien. Je démarre maintenant. Allez, bonne journée. Hi, I'm Julien Courbet. Now, it's begin. Merci beaucoup. À lundi. À lundi. Mesdames et messieurs, pour vous dire que, vous le savez, il y a des gens qui sont dans la panade avec les inondations, que pour l'instant, ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas, quand on prend l'ADN de cette émission, de faire une émission spéciale, parce qu'ils ont de l'eau jusqu'aux cuisses et il faut attendre que tout ceci s'évacue pour que les problèmes arrivent, c'est-à-dire les problèmes d'indemnisation. Mais à part prendre des témoignages, comme tous le font, en disant « j'ai plus rien, j'ai tout perdu », ça ne fait pas avancer le schmilblick. Nous, on intervient si vraiment vous avez un problème après, lors des indemnisations, nous pourrons vous aider. Néanmoins, nous pouvons également lancer des appels si là, actuellement, vous ne savez pas où vous logez, vous êtes complètement bloqué, vous êtes dans la panique, appelez-nous vite, le 3210, vous êtes prioritaire. Et je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, puisque, comme actuellement, beaucoup sont sous l'eau et ne savent pas comment vont se dérouler les choses. J'ai tout de suite demandé, avant qu'il entre en réunion, à Éric Le Maire, le grand patron de la communication de la première assurance France, AXA. Bonjour Monsieur Le Maire. Oui, bonjour Julien. Quand on est dans la panade comme ça, alors évidemment, la panique passée, le stress passé, quels sont les premiers bons réflexes pour qu'après ça se passe bien avec l'assurance ? Alors, les bons réflexes, c'est de mettre en place des mesures dites conservatoires, c'est-à-dire en fait de faire en sorte d'éviter la dégradation des biens, si c'est possible, donc mettre à l'abri vos équipements, nettoyer, évacuer l'eau, aérer au maximum pour accélérer le séchage. Mais c'est aussi de ne pas entreprendre de travaux de réparation, c'est-à-dire d'essayer de garder au maximum les choses en état pour que l'expert qui va passer puisse constater les choses. Éviter aussi le truc bricolage dans tous les sens, je monte sur le toit et je me casse une jambe, ça c'est important. Lister les dégâts, bien sûr, hein, comme pour des problèmes de catastrophes naturelles autres. Ne rien jeter, conserver les biens endommagés et puis déclarer le plus vite possible à son assurance le sinistre. Et je pense que tous les assureurs comme nous ont aussi prolongé un petit peu le délai de déclaration face à un événement absolument unique. Mais attention, pas de zèle à vouloir protéger quelque chose. Parfois, on risque de ne pas être remboursé pour la totalité. C'est le message qu'il faut faire passer, je crois. Exactement. On fait ça, on liste les dégâts, on garde tout, on prend des photos si c'est possible, des vidéos, voilà. Et puis on garde les objets détériorés, ceux qui peuvent être conservés, et on attend le passage d'un expert. On fait tous les assureurs le maximum pour que les experts passent le plus vite possible. Merci Eric Lemaire, directeur de la communication d'AXA. Merci beaucoup. Voilà, merci. N'hésitez pas, 3210, il est ouvert pour vous. Maintenant, nous allons démarrer nos cas. Je vais vous présenter l'équipe dans une seconde, mais nous allons revenir sur un cas énorme qui nous a beaucoup touchés hier. Cette dame qui s'est fait pirater sa carte, 90 ans. Elle était en pleurs toute l'après-midi, complètement paniquée. Nous, ça s'était pas mal passé. Enfin, ça s'était plutôt mal passé quand on avait appelé. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées. Alors, pour savoir justement comment nous sommes intervenus, laissez-moi vous présenter d'abord l'équipe. Il y a par entrée sur le terrain, avec un short et un maillot de l'équipe de France, Maître Fellone portera le numéro 1 aujourd'hui. Bonjour à tous. Arrière droit, arrière gauche, Bernard Saber, mais Pouchol. Bonjour Julien. Et elle est là depuis 6h du matin à préparer l'émission. Et vas-y que je regarde les dossiers d'un côté et de l'autre. Maître Novakovic. Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est fantastique. Alors, hier, pour ceux qui étaient là, cas extraordinaire. Nous avons Monique qui nous avait dit ceci, écoutez bien, sur l'antenne d'RTL. Non, elle nous avait rien dit parce que c'était une porte ouverte. Je voulais voir si des gens suivaient. Tout le monde suit. On m'a fait un bras d'honneur voulant dire, tu t'es trompé. Et ils ont eu raison. Monique nous appelle en cas d'express. En cas express, au 3210, elle nous dit, voilà, on m'a piraté mon compte. On m'a pris 10 000 euros. C'est toutes mes économies. Je n'ai plus rien. J'appelle donc ma banque. Elle a été déposée plainte, comme il se doit, etc. Et la banque dit, oui, il faut voir avec les assurances. Effectivement, vous êtes assuré. Ça se passe au mois de janvier. Jusqu'à preuve du contraire, on doit être pas loin du 3 juin en direct. Et là, il ne se passe toujours rien. Monique, vous êtes là ? Oui, je suis là. Donc, on a appelé la banque locale, grâce à vous, Hervé Pouchol. Oui, j'en suis Marquise. La BNP de Marquise. Et voilà ce qui a été dit. Excusez-moi, oui. On ne peut pas répondre à ce genre, je me doute de votre appel. Par contre, on ne pourra répondre à aucune question. L'affaire est entre les mains de la justice. On a reçu Madame Hennebelle et sa famille à plusieurs reprises. On a le droit de répondre à aucune question. Madame Hennebelle sait de quoi il en découle. Alors, je vais lui demander, ne me parlez pas, madame. D'accord, madame, si vous n'avez pas le droit... On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Et c'est vrai que ça nous avait un peu choqué quand on a une dame quand même de 90 ans qui s'est fait voler toutes ses économies, qui est assurée et qui était en pleurs quasiment toute la journée après Hervé, parce qu'elle était paniquée. Écoutez, jusqu'à la fin de l'émission, vraiment, on a beaucoup discuté avec cette dame. Ensuite, Sarah a pris le relais, vraiment. On a été très touchés de cette dame de 90 ans qui utilise Internet, qui utilise le SMS, mais qui pleurait parce qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et Monique, c'est vrai que c'était pas très sympa d'entendre on n'a pas le temps pour ça. Alors, je suppose que cette dame, elle le pensait peut-être pas, mais c'est vrai que vous l'avez entendu. Entendu, Maître Novakovic, écoutez. On n'a pas le temps pour ça. J'ai failli faire sortir un disque hier après-midi. J'ai contacté une maison disque, je me suis dit, on va faire le rap du on n'a pas le temps pour ça, bancaire. Imaginez. J'ai plus d'argent, il me faut un crédit. On n'a pas le temps pour ça. Mon découvert, aidez-moi, je vous en prie. On n'a pas le temps pour ça. Non, ça marche pas. Oh. Ça se vendra pas. C'est moyen. Ça marche pas. Alors, Sarah, dans l'après-midi, heureusement, nous avons appelé en haut lieu et il y a des gens très compétents. Vous savez qu'il peut aussi, au niveau local, y avoir... Ça coince parce qu'on appelle, on est paniqué, on ne sait pas quoi répondre, mais vous avez pris les choses en main. Alors, très sincèrement, Julien, miens, je tiens à leur rendre hommage. Je n'ai même pas eu besoin de les appeler. C'est eux qui m'ont contacté. Ils étaient déjà saisis du dossier avant même, effectivement, que l'émission soit terminée. Nous avons discuté jusqu'à très tard hier soir. Et aujourd'hui, nous accueillons monsieur Bertrand Cizeau, directeur de la communication de BNP Paribas, qui a de bonnes nouvelles à nous annoncer. Bonjour monsieur Cizeau, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL et merci, merci à vos services dès que nous les avons alertés dans l'après-midi de s'être occupés de ce dossier. Monsieur Cizeau, que peut-on dire sur le cas de Monique, 90 ans, qui vous écoute d'ailleurs? Bonjour Julien, bonjour Monique. Bonjour monsieur. Et d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre fidélité. Alors, je pense que le sujet, c'est pas qu'on n'avait pas de temps, c'est qu'on a pris trop de temps. Et j'aime bien le tube parce que vous avez tout à fait raison, ça a trop duré. Alors, vous savez, ces sujets de fraude, ils sont compliqués. Et c'est parce qu'on y attache beaucoup d'importance que parfois on ne règle pas assez suffisamment vite nos sujets. Alors, vous avez eu les conseillers de BNP Paribas hier, Monique. Je crois que vous vous êtes entretenue avec Carole, elle me dit que tout est réglé. Est-ce que vous pouvez me confirmer de votre côté que c'est bien le cas? Oui, c'est le cas, monsieur. J'ai eu Carole au téléphone hier soir, qui a été très gentille, qui s'est excusée pour le retard, et puis voilà. Voilà, parce qu'on s'est permis de vous déranger, monsieur, parce que ça faisait 6 mois. Je comprends qu'il y ait des enquêtes, que ça ne peut pas se faire, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez un piratage lundi à 14h, vous pouvez pas aller demander le remboursement à 17h. Il faut des investigations. Mais là, ça faisait 6 mois, c'était toutes ces économies. Oui, mais vous savez, c'est parfois plus compliqué que bien ça. Bien sûr. Et le sujet des fraudes, encore une fois, vous imaginez bien, quand on est une banque comme BNP Paribas, la sécurité des opérations de nos clients, c'est une priorité. Donc, quand un problème intervient, on est extrêmement précautionneux dans son traitement, parfois peut-être trop, et du coup ça peut prendre un peu trop de d'accord. temps. Et je crois d'ailleurs que Carole a eu à cœur de donner quelques conseils à Monique pour que la fraude qu'elle a subie ne se reproduise plus à l'avenir. Alors, monsieur Cizeau, je me permets de vous interrompre. Je tiens juste à annoncer la bonne nouvelle. C'est important. Hier, votre assistante, Loubna, nous a annoncé effectivement que le virement était parti hier soir. C'est important. Et que tous les agios, s'il y en avait, seraient remboursés. Maître Fellonneau. Oui, alors effectivement, vous avez raison. La fraude des cartes bancaires, le piratage, c'est une plaie et qui ne va pas aller disparaître très vite. Mais les clients, surtout quand c'est toutes ces économies qui ont été piratées, ont droit aussi à un règlement rapide. Et la loi, et je vous remercie de le rappeler, vous donne un mois pour le faire. Un mois, c'est court pour vous, mais c'est déjà très long pour les consommateurs. En tout cas, on est très heureux que ce soit réglé. Aujourd'hui, on vous en remercie. Monsieur Cizeau, voilà. Bravo à la BNP de s'occuper de ses clients. Des quoi que je l'ai dit et je le redis et je le redirai, il y en a dans toutes les boîtes, y compris ici. Ce qui compte, c'est quand derrière, il y a quelqu'un qui dit « Non, ce n'est pas normal, on fait ce qu'il faut ». Et c'est pour ça que la BNP est une banque sérieuse et une grande banque, et je vous remercie. Absolument. Et pour tous vos auditeurs, la fraude, c'est, comme l'a rappelé votre avocat, très important. Soyez vigilants, prenez les bons conseils auprès de vos banquiers. Et je crois qu'on a même un petit cadeau pour Carole, pour, pardonnez-moi, Monique, si elle se représente auprès de son agence, une petite attention bien pour c'est la remercier très gentil. À nouveau de sa fidélité. Bravo, merci monsieur Cizeau, bravo la BNP. Vous voyez, on a commencé par le rap. Eh bien, pour la BNP, monsieur, Banque Nationale merci, de Paris, soyons reconnaissants. Merci, c'était Bertrand Cizeau, directeur de la communication. Merci monsieur Cizeau, merci beaucoup. Voilà, vous voyez, Monique, vous restez fidèle à la BNP, s'occupe bien de vous, c'est votre banque, et restez-y le plus longtemps. Oui, je suis très touchée. Mais j'ai une chose à vous dire, monsieur, c'est que je n'ai pas pleuré hier après-midi. Ah, pardon, eh bien, écoutez, c'est nous qui avons pleuré, en fait, voilà. Alors, Hervé. Non, elle était... parce que je suis quand même un petit peu au-dessus de ça, quand même. Ah bon, d'accord. Non, elle était très émue. Elle était très émue, Monique, hier. Elle avait beaucoup, beaucoup. Elle était très, très angoissée. D'accord. En fin d'émission. J'ai pas dit qu'elle avait pleuré toute l'après-midi. Ah oui, d'accord. Enfin, vous avez un peu, voilà. Bon. Si, excusez-nous. Il en a rajouté un peu, oui, Monique. Oui, ça voilà. Mais ça. C'est quand même incroyable. Vous avez bien fait de nous remettre dans nos 22. Moi, j'ai dit ce qu'on m'a dit. Mais effectivement, en fait, elle était hilar, si ça se trouve. Ça la faisait hurler de rire. Et Hervé a confondu vos rires et vos pleurs. Voilà. Bon, allez, tout est bien qui finit bien. On a beaucoup de choses à faire. Dans une seconde, sur l'antenne d'RTL, c'est Bernadette, et nous allons parler de champagne. On est producteur de champagne et on a livré près de 240 bouteilles pour 3200 euros. On attend depuis un an que l'entreprise veuille bien nous régler. Alors Hervé Pouchol me signale que lorsqu'elle a enregistré ce message, elle était en pleurs. Elle était vraiment en pleurs. Il a fallu lui refaire faire 20 fois parce qu'elle pleurait. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Mesdames et messieurs, j'ai une super nouvelle à vous annoncer tout au long de la semaine prochaine. Écoutez bien, nous allons vous faire gagner une télé extraordinaire chaque jour. Une télé de 65 pouces, 165 cm de diamètre. Dès lundi, 9h30 pour l'euro. Il y en aura une par jour sur RTL. C'est maman, je viens de tomber, faudrait que tu viennes. Faire face à la dépendance, on n'est jamais prêt. Où trouver de l'aide? Quelles sont les démarches à suivre? ADAP Service s'occupe de tout. Aide à l'hygiène, aide au repas, travaux ménagers. Les professionnels ADAP Service mettent en place une aide à domicile sur mesure. ADAP Service intervient partout en France. Renseignez-vous sur adapservice.fr. Tu me trouves changé, hein? Je ne suis plus seul. Tu t'es marié? Mais non, je suis connecté à la Matmut et ses applis. Avec ton mobile? Ça, c'est fort. Et tu peux faire quoi avec? Des devis, c'est possible pour les hyperconnectés Matmut. Pour les autres assurés Matmut aussi. Ça, c'est sûr, la Matmut, elle assure. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Complètement cintré. Folie passagère. Dressing modulaire. Grand rangement. Deux colonnes. Largeur personnalisable. Penderie recoupable. Profondeur optimisée. 40 cm. Pré-rangé. 139 euros. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Dressing imitation chaîne, hauteur 2 mètres, avec 8 étagères et 4 tiroirs à seulement 139 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 3 juin dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. James Bond 007, l'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition actuellement à la Grande Halle de la Villette à Paris. Avec TF1 et RTL. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Et oui, c'est les gratuits chez Auchan sur de nombreux produits de marque. Super, je vais pouvoir me faire plaisir tout en faisant de bonnes affaires. Tout à fait. Par exemple, jusqu'à mardi, pour l'achat de deux paquets de 12 Kinder Bueno, le troisième est offert, soit 12,58€ au lieu de 18,87€ les trois paquets. Waouh, ça fait 4,20€ le paquet de 12 Kinder Bueno. Auchan, la vie que j'aime. 516 grammes, soit 8,13€ le kilo. Paquet vendu seul, 6,29€. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et là, je dis à mes potes que je suis passé chez Direct Energy pour l'électricité et le gaz et que j'économise 10%. Ah, c'est sympa. Et là, ils me disent qu'ils l'ont déjà tous fait avant. Mais toi, tu... Ben, moi aussi. Ça fait 3 ans. Ah, 3 ans? Ok. Ouais. Avec Direct Energy, en 5 minutes et dès aujourd'hui, vous pouvez payer votre électricité et votre gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergy.com. Service et appel gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL, nous accueillons Bernadette. Bernadette, bonjour. Bonjour Monsieur Courbet. Bonjour Bernadette. Nous allons parler de champagne avec vous. Vous nous appelez d'où Bernadette? De la Marne, bien sûr. Alors, productrice de champagne avec votre mari depuis près de 40 ans. Une entreprise passe une commande fin mai 2015. C'est une entreprise, sans donner le nom, qui fait quoi en fait? J'ai supposé, mais rien de sûr dans l'événementiel. Voilà, donc c'est pour une réception. Mais bon, après, ce sont des suppositions. Oui. Hein, je n'ai pas de profession vraiment. D'accord. 240 bouteilles pour un total de 3290 euros. Dans ces cas-là, vous demandez un acompte? Non. D'accord. Parce que j'avais déjà livré deux fois avant et ça s'était pas trop mal passé. Qu'est-ce que vous entendez par pas trop mal? C'est-à-dire que vous aviez quand même dû menacer un peu pour vous faire payer? Oui, j'avais dû obliger le règlement avant la commande suivante. Et donc vous êtes quand même courageuse parce que quand vous voyez que ça se passe mal la deuxième fois, vous retentez le coup la troisième fois sans rien demander. Ben non, je dois être un peu naïve. Pas du tout, c'est plus que ça. Un mois après la livraison, comme le délai de paiement est dépassé, vous relancez l'entreprise et quand vous appelez, on vous répond que les responsables ne sont pas disponibles et lorsque vous écrivez, ce n'est pas mieux, les mails restent sans réponse. Ça fait quasiment un an, jour pour jour, que les bouteilles ont été livrées. Mais l'entreprise existe toujours. Je crois. Elle a changé d'adresse, hein, comme je vous l'ai noté. Oui. Mais elle existe toujours. C'est un non-paiement classique, maître Novakovic. Mais là, au bout d'un an, il faut peut-être relancer. Là, il faut peut-être pas attendre autant. Tout à fait, Julien. Bonjour, madame. Écoutez, bonjour, je suis madame. Absolument scandalisée que on se permette de commander quand même 240 bouteilles. On ne verse rien. On ne rembourse pas. On ne paye pas la facture. On ne vous adresse aucun courrier pour vous demander un délai ni quoi que ce soit. Donc vraiment, vous avez été trop gentille. Donc là, on va tenter effectivement la remise de cette somme. Ça sonne d'ailleurs. Mais à défaut, il faudra faire un référé, ce n'est pas contestable. Pour demander, vous devrez faire un référé pour demander le paiement immédiat, remboursement des frais d'avocat également, et dans un second temps, pourquoi pas dédommager intérêt. Vous avez rentré ça en 5 sonneries. Mais oui, il faut parler vite parce qu'il y a les téléphones. Ou appuyez sur étoile pour contacter l'opérateur. Alors, appuyez sur étoile pour contacter l'opérateur. Allez, attention, j'espère. Vous pensez que c'est à l'étranger, Hervé Pouchol ? La sonnerie a changé, donc le son de la sonnerie... Mais vous avez le même sentiment que quand vous entendez les gens pleurer au téléphone ? Moi, j'ai trouvé que Madame Geneviève était un peu angoissée, donc je vais m'occuper de son cas. Allô ? Oui, Bernadette ? Oui ? Vous n'êtes pas en pleurs, là ? Non, Hervé Pouchol, on entend beaucoup de gens pleurer. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du téléphone, s'il vous plaît, Marie ? Eh ben, rien. T'as rien. N'hésitez pas à venir nous le dire sur l'antenne plus souvent. Eh bien, on refait le numéro une deuxième fois. On n'en a qu'un de toute façon. Alors, on y va. Rapidement, Nathalie. Bon, sur Internet, on a trouvé dans la presse des nouvelles sur cette société qui ne sont pas sympathiques parce qu'il paraît qu'ils sont habitués à laisser des ardoises un peu partout. C'est un gros groupe qui a racheté 70 sociétés en 73 en 5 ans et qui, visiblement, n'est pas pressé de payer ses fournisseurs. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, ils vont être différents. Alors, nous allons lancer le porte-voix puisque, pour l'instant, ça ne répond pas, à moins qu'on se donne 10 heures, qui est une ouverture très parisienne. Il faut savoir que s'ils ont des locaux à Paris, on démarre à 10 heures. C'est comme ça, on arrive, on boit un café à 11 heures. Donc là, vous avez dû faire le 0140. Oui, ne le donnez pas. J'ai fait tous les numéros, tout ce que vous nous avez donné, c'est fait. Voilà. On en attaque un troisième maintenant. Ne vous inquiétez pas, Bernadette. Tout. Maintenant, troisième numéro. Après le 0156, le 0179, on fait le 0149. Puis appuyez sur dièse, puis appuyez sur étoile pour contacter l'opérateur. Alors, dièse puis étoile, c'est ça ? Pourquoi vous pensez qu'il est mieux celui-là, Bernadette ? Voilà, là, on est à l'étranger, effectivement. Enregistrez votre message. C'est un message. Bon, alors, nous allons lancer le porte-voix et appeler non-stop. Quelqu'un sera dédié à cette tâche. Appelez non-stop la boîte Révolution 9 ou R9, qui est une agence de com. Révolution 9 ou R9, dont le siège pourrait être 110 boulevard de Grenelle, dans le 15e, avec une nouvelle adresse, Allée des Moulineaux. Ici les Moulineaux. Oui. Et il y a une autre adresse à la Motte-Piquet dans le 7e. Le président est Nicolas Banciotto. C'est ce que nous avons, nous, sur les documents officiels. Nicolas Banciotto. Le directeur général, Olivier-Xavier Bayet. Et à la comptabilité, c'est Monsieur Pierre. Alors, si vous connaissez ces gens-là et que vous pouvez les contacter, soyez sympas, donnez-leur un petit coup de fil qu'ils essaient de nous expliquer. Maintenant, c'est vrai que sur le net, on voit des articles. J'en vois un, là, dans l'Express, c'est des gens sérieux. Révolution 9, un ogre de la com aux méthodes touchy. C'est-à-dire que ça ne paie pas très vite, apparemment. Il y en a plusieurs, comme ça. Donc, vous n'hésitez pas. Je compte sur vous, amis de Révolution 9, de R9. Peut-être avez-vous travaillé avec eux. Aidez-nous, on a besoin de vous, mais il faut qu'on avance dans ce dossier. Bernadette, on a lancé la canne à pêche, où on va essayer de remonter le moulinet et non-stop appeler dès qu'il y aura cette petite alerte. J'ai fait exprès de ne pas parler pour qu'il soit bien dans la merde. Eh bien, je suis content de moi. Parce que j'aurais pu meubler. Si j'avais été sympa, je meublais, personne ne s'apercevait de rien. Vous voyez, dans la phrase. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais lui faire passer une mauvaise journée. Et je me suis tué. On a vu le temps qu'il lui a fallu. Hein, vous étiez derrière, Bernard Sabat, c'était la panique totale. Ah, mais totalement. C'est la première fois que je vois votre réalisateur dans cet état. Ça, il était en pleurs, Julien. Bon, ah oui, Hervé Pouchol, vous pouvez confirmer qu'il est en pleurs. Moi, je confirme, il est très, très angoissé, j'entends des sanglots. Bon. On continue, Bernadette, faites-nous confiance, on ne vous lâche pas, et donc dès qu'il y aura, d'ailleurs, la petite alerte qui va arriver tout de suite, là, maintenant, ça veut dire qu'on aura quelqu'un en ligne. Allez, on va lancer un nouveau cas. C'est une vraie alerte ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est moi qui ai appuyé pour voir si ça marchait. Ok, contentez-vous de regarder les gens qui pleurent ou pas, et laissez-moi faire mon travail, Hervé Pouchol. Dans une seconde, nous attaquerons un autre cas, Ladies and Gentlemen, et vous continuez à nous appeler 3210. Si vous avez un besoin immédiat en ce qui concerne les inondations, RTL est à votre disposition. 3210, je ne vous dis pas Facebook parce que ça doit être compliqué. Pour les inondations, je vois mal comment on peut aller faire du Facebook. Oui. Chez Gédimat, du 1er au 11 juin, c'est les 10 jours prodiges. L'escabeau professionnel 5 marches garantie 10 ans est à 88€. Et pour 1€ de plus, tu as un marche-pied de 3 marches. 3 marches en plus ? Pour 1€ de plus ? Oh ben j'ai envie de dire ça roule. Non, t'as pas plutôt envie de dire ça marche ? Gédimat, matériaux et bricolage. Vous entendez ?

de grâce où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Je sais, il est tard. Retour de Céline Dion et de Jean-Jacques Goldman avec Encore un soir sur RTL. Nous sommes en direct, il est 9h56 et j'ai une bonne nouvelle pour vous récompenser, vous le savez, de votre fidélité, d'avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France et d'RTL en dehors des infos. Toute la semaine prochaine, je vous fais gagner des écrans plasma. Ils sont tellement larges qu'il va falloir faire des trous dans les murs pour pouvoir les installer avec l'écran incurvé. Et là, je vous envoie en vacances. Écoutez bien, dans l'un des 82 villages de vacances VVF, dans les plus belles régions de France, 82, je pense que vous allez, à moins que vous soyez très très difficile, arriver à trouver votre bonheur. Pour gagner cette semaine, pour retrouver la vraie vie de village et des journées faites d'activités, vous répondez à la question suivante. En parlant de village, quelle est la chanson la plus célèbre du groupe Village People? Est-ce que c'est CPVA ou est-ce que c'est YMCA? Stay in the C'était un indice. Alors attention, vous faites 32-10, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Et ensuite, vous retapez 2 pour donner la bonne réponse. Ou bien, SMS, vous envoyez RTL au 74-900. Vous le savez, RTL vous envoie en vacances. Merci VVF Village, choisissez l'un des 82 villages et bonne chance. Bonjour, Charlotte de la Poste Solutions Business. Bonjour, je dois envoyer des pièces détachées par Colissimo à mes clients, mais je suis coincé à l'atelier. Vous êtes en ligne ? Oui, je suis en ligne. Oui, je sais, mais pour l'affranchissement de mes Colissimo, vous êtes aussi en ligne ? Oui, l'offre entreprise Colissimo est aussi en ligne. Accessible 24 heures sur 24 depuis votre ordinateur et avec un tarif avantageux pour les pros. Pratique ! Nous sommes donc sur la même ligne. Découvrez entreprise Colissimo en ligne. Une offre pro de la Poste Solutions Business. Rendez-vous sur laposte.fr/colissimo-entreprise ou appelez le 3634, 30 centimes à minute. Il y a des prix qui vous font dire « Bon, eh ben on rangera les brosses à dents sur la table de nuit. » Et il y a les prix Leroy Merlin. Toute l'année, 99 euros seulement, le meuble de salle de bain complet d'ado avec son plan vasque en céramique et son miroir avec éclairage. Tiroir à fermeture progressive inclus, garantie 2 ans incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire « Là, je suis sûr de faire le bon achat. » Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Intersport. J'adore l'été, je vais profiter, camper, marcher et même nager. Tout ce sport, ça me fait rêver. Vous allez adorer l'été chez Intersport. Dès le 25 mai, les chaussures en toile homme Jack & Jones sont à 24,99€ au lieu de 39,99€, soit 37% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Et dimanche soir, de 21h à 23h, je me transforme avec Xavier Kassovitch en DJ. On vous proposera une soirée à l'ancienne, spéciale funk et disco. C'est dimanche soir, 21h-23h. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov'». J'aime tes conseils experts. Ta qualité made in France. Ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov' est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit « I love le Rénov'». Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. RTL 10h. L'information sur RTL, c'est avec Yann Boucherie. Bonjour Yann. Bonjour Julien, bonjour à tous. Sur le front des inondations, l'heure est à la décrue en Seine-et-Marne et en Essonne, dans les localités jusqu'ici les plus touchées. À Nemours et Longjumeau, le niveau des eaux a parfois baissé de près d'un mètre dans la nuit, mais les deux communes restent toujours privées d'eau potable et d'électricité. Environ 20 000 foyers au total restaient d'ailleurs privés de courant ce matin dans le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Île-de-France. Inquiétude sur la Seine en amont de Paris, où les villes de Juvisy et de Viry-Châtillon sont désormais touchés. Plusieurs quartiers sont en cours d'évacuation. Manuel Valls, le Premier ministre, se rendra cet après-midi dans ce département de l'Essonne auprès des sinistrés. La décrue sera lente dans les régions inondées en France et il est à craindre qu'on puisse découvrir des victimes. C'est ce qu'a déclaré ce matin la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. À Paris, vous le savez, les voies sur berge sont fermées, tout comme les musées du Louvre et d'Orsay, ainsi que la Grande Bibliothèque. La Seine est en crue. Alors, pas encore la crue centennale, mais tout de même, Cindy Hubert, bonjour. Bonjour. Vous vous trouvez non loin de la Tour Eiffel et le niveau ne cesse de monter. Oui, la Seine est en train de devenir un spectacle vivant. Des dizaines de curieux se penchent sur le muret pour prendre des photos, scruter le fleuve qui monte et qui monte. On fait des paris, on regarde passer les énormes branches d'arbres qui sont charriées par le courant au milieu de tout un tas d'autres détritus improbables. Un tout petit peu plus en amont, des digues en alu ont été érigées hier. L'eau a englouti les quais de Seine. La Seine est à l'heure où je vous parle à plus de 5,60 m. On est encore très loin de la crue centennale, vous le disiez. Le pic de crue est attendu en début d'après-midi, autour de 6 mètres. Ensuite, le fleuve devrait retrouver son lit dans les jours à venir. Merci beaucoup, Cindy Hubert. Toujours des perturbations à la SNCF en raison des inondations et du mouvement de grève poursuivi désormais par les syndicats CGT et Sud. Sur le RERC, le trafic est interrompu entre Paris, Austerlitz et Javel. Également entre Paris, Austerlitz et Pontoise. Sur la ligne N, trafic très perturbé entre Paris et Versailles. Sur les grandes lignes, comme hier, 6 TGV sur 10, 4 Transiliens sur 10, 1 Intercité sur 3 et 1 TER sur 2. Une poursuite de la grève jugée incompréhensible par le Premier ministre Manuel Valls, qui s'exprime ce matin dans plusieurs quotidiens régionaux. La bourse de Paris évolue en légère hausse ce matin à l'ouverture, plus 0,16%. Rompant avec 3 séances de baisse consécutives et on attend les chiffres très attendus donc du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Un mot de sport et de football avec une information RTL de Jean-Louis Pacul, notre correspondant à Marseille. L'opération de naming lancée par la mairie vient de s'achever et la municipalité a choisi de s'associer avec l'opérateur téléphonique Orange pour le Stade Vélodrome. On ne connaît pas encore le montant ni la durée du partenariat. Aucune procédure formelle n'a été ouverte contre Monsieur Infantino, c'est ce qu'a déclaré ce matin porte-parole de la commission d'éthique de la FIFA, démentant des informations données ce matin par la presse allemande et notamment le journal Die Welt. Les courses ont lieu aujourd'hui à Vincennes en nocturne, tiers écarté quintet plus, les pronostics de Bernard Glass, Akido le 6, le 16 Valco Genila, le 15 Udoz Euler, le 13 Alpha Salter, le 7 Utinka Seloise, le 10 Annette du Mirel, le 8 Going for Gold Zaz, le 5 Anou 3, la dernière minute, le 13 Alpha Saltor. La météo de ce vendredi, ciel encore chargé avec des pluies mais beaucoup moins abondantes sur l'Île-de-France et le centre. Elles vont se raréfier cet après-midi dans l'Est. Le Sud devrait lui rester au soleil et quelques éclaircies sont également attendues sur la côte atlantique. Côté température, il fera 13 à Lille, 16 à Paris, 21 à Bordeaux et 24 à Nîmes cet après-midi. RTL, il est 10h04. On retrouve bien sûr Julien Courbet, ça peut vous arriver. Merci beaucoup Yann. À tout à l'heure, 11h. Vous écoutez le 9h30, 11h, justement, avec Nathalie Fellono, avec Sylvie Noakovitch, avocate pénaliste au barreau de Paris, avec Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Nous avons lancé un cas tout à l'heure, celui de Bernadette, productrice de champagne. Il y a un an, elle a livré près de 240 bouteilles de champagne à une agence de communication. Elle attend depuis tout ce temps que cette agence lui règle 3200 euros. On a téléphoné un petit peu partout, ça sonne à l'étranger, à Grenelle, à Moulineux, à Motte-Piquet, toujours rien, Hervé Pouchol. Messagerie partout, j'ai même obtenu un numéro de portable, j'en voyais

Et vous avez payé 500 euros comme 8 autres personnes, donc 500 par personne. Oui. Le site vous avertit en novembre que la compagnie aérienne ne peut pas assurer le vol retour. Alors ça, c'est de plus en plus, Bernard Sabat, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait au moins le troisième cas. En l'espace de 15 jours, où des auditeurs d'RTL nous disent, je reçois un coup de fil, le vol n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est tout simplement parce que les droits de trafic sont donnés par, évidemment, un organisme qui permet à la compagnie de voler. Si elle ne remplit pas son quota, si ce n'est pas rentable, évidemment, elle annule définitivement le vol. Elle perd évidemment ce qu'on appelle le slot, ça veut dire l'horaire de décollage qui est donné à une autre compagnie. Et évidemment, ça pose des problèmes parce que tous les gens qui ont payé, il faut leur rembourser. Alors, oui, d'accord. Par contre, nous, quand... Enfin bon, peu importe, je ne vais pas faire mon grincheux, ça ne sert à rien. Si, faites-le. Continue. Vous annulez donc tous les billets, puisque du coup, s'il n'y a pas de retour, ça sert à rien d'y aller, on est bien d'accord. Bah, c'est plutôt que rester là-bas, on voudrait bien, mais on a d'autres choses à faire. Bah, y a le ménage, il y a les courses, on ne peut pas rester à Istanbul. Comme disait ma grand-mère, disait, mais j'ai mon ménage à faire. Donc, vous annulez tout, et à ce jour, vous êtes deux sur les neuf personnes de ce voyage. Trois, décidément. Tu peux me donner le nom de celui qui t'a fait ton cas? Parce que, tu vois, j'ai beau être de Katmandou, je pense que je vais lui expliquer. Non, on est trois. Mais bon, j'ai envoyé que deux dossiers parce que la troisième personne, j'ai pas pu la contacter. Malgré de nombreux mails et coups de fil, rien n'avance. Mmh. On va tout de suite donner l'objectif, d'ailleurs, si vous le voulez bien. Elle veut qu'on lui rembourse et c'est bien logique, c'est 500 euros. Enfin, il va y avoir un coup de gueule de Bernard Sabat. Vous commandez un aller-retour, on vous appelle déjà en vous disant ton voyage, il est mort parce qu'on ne te ramènera pas. Et pour se faire rembourser, il faut se battre. D'où le coup de gueule de Bernard Sabat. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. 7 mois d'attente, Julien. 7 mois, ok, pour être remboursé de quelque chose qui était prévu. Je vous rappelle que c'est un grand groupe qui est basé à Barcelone, qui commercialise évidemment ses ventes sur Internet et qui est coutumier du fait. J'ai été plusieurs fois sur place. Je pensais qu'on allait les aider à s'améliorer en termes de service après-vente et ils ne le font pas. C'est vrai et qu'il ça, a fait pas normal. Plusieurs duplex là-bas. D'ailleurs, on envisage de lui prendre une petite chambre de bonne parce qu'il y est quasiment tout le temps. Ça commence à bien faire, mais ça me rappelle ce qui s'est passé tout à l'heure avec la banque dans le traitement. Rappelez-vous, on avait appelé une banque locale et la dame nous avait dit on n'a pas le temps pour ça, mais non, je vais rester ici, je pense qu'on peut l'adapter à beaucoup de cas, ce truc là réfléchissez tous, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Nous les appelons tout de suite, non sans avoir donné la parole à Maître Felonneau, surnommé la nana dans les couloirs du tribunal. Bah, écoutez, l'argent, rendez l'argent qui vous a été donné pour rien. C'est quand même incroyable qu'il faille le rappeler, c'est la première obligation, je sais pas. Soyez honnête. Est-ce que Maître Novakovic, des fois le tribunal peut dire, bon ok, vous avez traîné, mais là on estime que vous vous êtes moqué du client. C'est-à-dire que ça a fait plus que traîner, vous faites de l'argent sur son dos. Bah, tout à fait Julien, parce que l'affaire date, je le rappelle aux auditeurs, du 13 mars 2015. Donc ça date pas d'hier, ça va faire plus d'un an. Donc non seulement le juge de proximité peut, bien sûr, les condamnera donc au remboursement du principal, mais également à des dommages et intérêts, parce qu'on peut montrer le préjudice, les nombreux mails, demandes de remboursement qui sont restés infructueux. Donc oui, effectivement, le tribunal peut sanctionner ce genre d'attitude. Nous allons appeler dans une seconde, mesdames et messieurs, nous allons bien voir les explications que l'on va donner à la cliente qui l'a mauvaise, qui n'est pas partie en voyage, à qui on a téléphoné, pardon ? Si, du coup, on est reparti quand même avec elle. D'accord, mais pas avec eux. Non. Tu sais, Nadine, je me demande, t'aurais vraiment dû aller à Katmandou, ça t'aurait hyper détendu. Parce que là, j'ai l'impression que tu es un peu, le chien qui attaque au mollet. Non, mais je comprends, Nadine, elle l'a mauvaise. Je rigole, Nadine, mais c'est vrai que vous l'avez mauvaise parce que ça fait combien, 6 mois maintenant que vous attendez et vous avez l'impression qu'on vous fait tourner en bourrique. Puis, on vous rembourse dans 3 semaines et puis on n'est pas remboursé. C'est pour ça. C'est pas nous, c'est eux, c'est la compagnie, c'est pas le site. Ils se foutent de du monde. Exactement. C'était gueule, peut-être, le mot qu'il fallait trouver. C'est ce que j'ai voulu dire. Voilà. Alors, nous allons nous retrouver dans une seconde et nous allons les appeler. Et vous allez pouvoir leur dire tout le bien que vous pensez. En attendant, je précise à tous ceux qui ne veulent pas aller à Katmandou, mais qui veulent visiter la France qu'on aime, qui regorge de trésors. Eh bien, les VVF sont là dans toutes ces régions magnifiques à visiter. L'ambiance club, les promenades en vélo, le canoë et la randonnée pour partir dans l'un des 82 villages. 32-10, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu. Et après, vous donner la bonne réponse qui est la 2, YMCA, voilà. YMCA. ou bien SMS RTL au 74 900. Allez, bonne chance, tirage au sort en fin d'émission. Nous allons appeler l'organisme pour Katmandou juste après ceci. Cher et bel et bien chez Intermarché. Eh oui, venez jouer en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Eh oui, le deuxième est gratuit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu, modalité, magasin participant sur intermarché.com du 31 mai au 5 juin. Dis, mm-hmm. Est-ce que tu m'aimeras toute l'année? Bah, pourquoi tu me demandes ça? Parce que pour ces 20 ans, oui. Bouygues Télécom offre la 4G illimitée les week-ends toute l'année. Ah bah si c'est illimité, je t'aimerai toute l'année, oui. Sur tous les week-ends. Ah là là, tous les mêmes. Quoi, tu veux? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le nouveau forfait Sensation 5Go, le premier forfait avec 4G illimité tous les week-ends. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 24 mois, bonus week-end illimité valable 24 mois, offre soumise à condition. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main, là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Hé hé! Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite chez votre concessionnaire Kia. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Tristan, on a tout pour les matchs des Bleus. La télécommande, ok, le canapé, ok, le frigo. Oh, faute, il n'y a plus de coca. Je m'en charge. Jusqu'au 6 juin, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le pack de bouteilles de Coca-Cola. Bien joué. Tu sais, le plus important dans un match, c'est la préparation. Jusqu'au 6 juin, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits comme le pack de bouteilles de Coca-Cola. 8 fois 1 litre 5, standard ou zéro, modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Ce soir les enfants, c'est moi qui fais le repas, une bonne salade et des grillades. Ouais ! Il y aura bien des herbes et des épices fuchs. Et aussi des petits crotons fuchs dans la salade. Fuchs les enfants, pas fuchs. Évidemment que je mettrai des épices fuchs. Avec les herbes et les épices fuchs, le repas est forcément bon. Pas forcément bon, papa. Fuchsement bon. Fuchs. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Le cas voyage de Nadine, elle doit partir à Katmandou. On l'appelle pour lui dire, je vous préviens, il n'y aura pas le vol retour. Elle annule tout, on lui dit on va vous rembourser, jusque là tout va bien. Sauf que le remboursement n'arrive pas. 500 euros en jeu, c'est parti, nous appelons tout de suite. Nadine est en ligne, sachant que nous avons une deuxième personne que nous prendrons tout à l'heure en ligne. C'est Bernadette qui est dans le même cas que vous, Nadine. Hein. Ok. Allez, c'est parti, ça devrait sonner maintenant pour cet organisme énorme. Qui vend des voyages sur Internet. Ça ne sonne pas du tout, Julien. On va réessayer. Alors, essayez l'autre téléphone. Il se peut aussi que ça vienne de notre matériel. Oui, c'est vrai aussi, Nadine. Vous voyez, il n'y a pas que... Tout le monde peut avoir ses petits problèmes. Le nôtre est un peu vétuste, mais on va changer bientôt. On va déménager, donc ça serait bête, vous voyez, d'investir maintenant, alors qu'on va déménager dans un an, où il y aura du ultra-moderne. Alors là, c'est parce que c'est occupé. C'est pour ça que ça ne sonnait pas, parce qu'il est tellement moderne, notre truc, que quand c'est occupé, il ne met pas la sonnerie. C'est la vérité. Donc, c'est quand même... le service client qu'on appelle, Julien. Vous imaginez pour les gens. Une plateforme occupée, c'est... Service client. Cela signifie également qu'il y a beaucoup d'appels. Réessayez, s'il vous plaît, Marie, une deuxième fois. Nadine, il y aura la petite alerte. Vous allez entendre ça dès que quelqu'un va nous répondre. Bonjour, ben voilà. L'équipe Opodo vous souhaite la bienvenue. Nous vous rappelons que dans le cadre de notre démarche qualité, votre appel peut être enregistré. Votre avis est important pour nous et nous vous remercions de bien vouloir répondre à quelques questions rapides sur votre expérience de service du jour. Pour activer l'enquête, merci de rester en ligne. Alors Nadine, c'est vous qui allez faire l'enquête et on va rigoler un peu. Autrement, appuyez 0. Non, on va laisser l'enquête. On va laisser Nadine faire son enquête. Ils vont lui demander. Si vous souhaitez faire une nouvelle réservation ou avoir des renseignements sur un produit, tapez 1. Non. Si vous avez des questions au sujet d'une réservation existante, tapez 2. Alors, on va se garder ça peut-être. Il y a l'enquête ou pas l'enquête? Ben non, a priori, elle vient pas l'enquête. Ben l'enquête, elle vient même pas. Ben faites deux alors, Marie. Je pensais qu'il y aurait l'enquête. Elle m'a promis l'enquête, la dame. Alors, non, en fait, Le souci, c'est qu'avec ce matériel-là, Julien, on ne peut pas taper des numéros 1, 2, 3, 4. Donc, je vais retourner sur le premier matériel. Je suis désolé. Quelle honte. Ça fait un peu guignol, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait le charme de l'émission, Nadine. Ouais. Si tout marchait bien, qu'on avait du bon matériel, etc. Moi, j'aime bien. Bonjour. C'est la bonne franquette. L'équipe Opodo vous souhaite la bienvenue. Alors, nous vous rappelons que dans le cadre de notre démarchalité, votre appel peut être enregistré. Votre avis est important pour nous et nous vous remercions de bien vouloir répondre à quelques questions rapides sur votre expérience de service du jour. Je veux l'enquête. Pour activer l'enquête, merci de rester en ligne. Bah voilà, si vous acceptez, appuyez sur 1. Si vous souhaitez faire une nouvelle réservation ou avoir des renseignements sur un produit, tapez 1. Donc maintenant, on tape 2. Si vous avez des questions au sujet d'une réservation existante, tapez 2. C'est parti. Nous demandons à tous nos clients d'attendre 24 heures après avoir effectué leur réservation avec Opodo pour recevoir la confirmation finale de réservation. Il est recommandé de vérifier vos courriers indésirables avant de nous contacter. Dirait ma fille, votre demande est liée quand elle récitait les récitations quand elle était en CE1. Ou encore aux formalités douanières, nous vous conseillons de visiter notre page internet sur le lien www.opodo.fr et ainsi prévenir des attentes évitées. Oh là là, Nadine. Votre appel concerne une modification. Tapez 1. Votre appel concerne une annulation. Tapez 2. Si votre appel concerne votre billet électronique, vos bagages ou la reconfirmation de votre vol retour, veuillez consulter la rubrique quelque chose, aide accessible depuis la page d'accueil du site opodo.fr. Attendez, le 4. Pour toute autre question, tapez 3. Ouais, 3, voilà. Le 4, vous pouvez toujours l'attendre, oui, effectivement. Allez, vous me faites le coup de l'alerte si jamais ça traîne un peu. Si vous nous contactez car vous n'avez pas reçu votre billet Vous le prenez en antenne. Promets, Nadine, qu'on va voir quelqu'un. Mais là, laissez-moi, parce que vous imaginez ceux qui sont en train d'écouter l'émission. Ça va 5 minutes. Et certains commencent à se jeter du balcon, me dit-on. On va arrêter. On va s'écouter les Maroon 5 et Christina Aguilera. Il y aura la petite alerte dès que quelqu'un répondra. Aussi bien sur ce cas, on a toujours le cas du champagne qui n'a pas été payé. Est-ce que vous vous rappelez de ça en 2011? C'était The Tube et il est de retour sur votre radio préférée, RTL. Coupons quelques instants, je vais le remettre après le titre. Mais je vous ai promis que dès qu'il y aurait l'alerte, on coupait tous et priorité, on aurait quelqu'un en ligne pour le cas du voyage. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur, je vous appelle car je suis en ligne avec une de vos clientes, Nadine Vévran, qui devait partir à Katmandou. Vous l'avez appelée une fois qu'elle a payé en lui disant le vol retour est annulé. Donc elle a dit « je veux mon remboursement ». Vous lui avez dit « d'accord ». Et elle attend depuis maintenant octobre le remboursement. Et là, ça fait un petit peu long. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Je peux vous donner des numéros de tout ce que vous voulez. D'accord. Est-ce que je peux avoir le numéro du dossier, s'il vous plaît ? Le numéro du dossier. Alors, j'ai le numéro de dossier au Opodo ? C'est 144. Oui. Alors, 144 728 647. Et normalement, vous tombez sur Nadine. Non, il manque un numéro. Pardon ? Il manque un numéro, vous me dites ? Il me semble. À la fin, c'est 728-69-47. Non, j'ai dit 144-728-647. Voilà, oui, merci, maître Fermin. Voilà. Donc, il n'en manquait pas. Reprenez votre site, sefermacé.com, sur lequel vous étiez, maître Fellono. Et laissez-moi travailler. Ah, elle avait peut-être raison finalement. Et vous allez voir que je vais passer pour un crétin. On reprend donc, je vais vous les donner un par un. Merci monsieur. Là monsieur, vous m'arrangez pas parce que je perds mon autorité. Vous le savez que maintenant je suis mort. Hein. Je suis juste bon à aller me cacher. Alors on y retourne un par un. 1, comme Monique, le mec a rien compris. Alors 1, 4, 4, 7, 2, 8, 6, 4, et 7. Non, il manque 9. Alors, je suis désolé les enfants, donc ce n'est pas mon problème, c'est bien celui de Alain Hazard que je vais boucher, qui n'a pas mis le 9 sur sa fiche. Voilà. Donc on était bien d'accord qu'il ne manquait rien. Dire que nous sommes des guignols et peut-être... Alors je vous redonne le mot. 144-728-69-47. C'est ça. Allez, monsieur, je vous laisse chercher, en m'excusant encore. Merci. De rien, écoutez. Alors donc là, j'ai l'accès à la réservation. C'est en nom de madame Vévran. Vevran Nadine. C'est ça. Il s'agit bien d'un vol de Lyon vers Katmandou avec une escalation en Boulatat sur le 13 mars et le retour le 1er avril. Il s'agit d'un seul passage. Alors, si j'ai bien compris votre demande, c'est par rapport au remboursement. Voilà. Alors, en fait, il y en a une deuxième également qui n'a pas été remboursée. Une dame qui s'appelle Bernadette Fèvre. Je vous le dirai en antenne. Mais voilà, cette dame veut savoir pourquoi Nadine, elle n'est toujours pas remboursée, monsieur. Parce que ça fait d'accord, ça. Je vais répéter de suite l'information. Je vous prie de patienter une minute, s'il vous plaît, je vous reprends. D'accord, merci Bernard, je vais récupérer. Voilà, on aura de nouveau l'alerte. Pardon Nadine ? Oui, mais on est là encore 35 minutes. Donc, et puis de toute façon, on prendra ça lundi. Non, non, ce monsieur, croyez-moi, va avancer dans le dossier. Il n'y a aucun souci. Alors cette fois-ci, j'espère qu'il n'y aura pas d'alerte parce que je pense qu'on va se fâcher avec Maroon 5. Maroon 5, Christina Aguilera pour la deuxième tentative maintenant. Nous allons essayer de l'écouter jusqu'au bout. Moves like Jagger sur RTL. Just shoot for the stars if it feels right and aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is bare. I don't give. Sur RTL, 3210, touche numéro 2, puis encore touche numéro 2 ou SMS, RTL au 74-900 pour gagner une semaine dans un des 82 villages de vacances VVF. Il y aura une alerte dans une seconde, laquelle Hervé Pouchol ? Nous allons revenir sur le cas de Bernadette, la productrice de champagne qui a quelques problèmes de paiement avec cette agence de communication. J'ai du nouveau. 240 bouteilles qui n'ont pas été payées pour avoir du nouveau, c'est tout de suite sur RTL. Derrière mes nouvelles portes pliantes, KZ. Oui, elles sont nouvelles, nouveau design, nouveau coloris. En plus, elles sont faciles à changer. À tout à l'heure, toi. Pour remplacer vos anciennes portes de placard KZ, rendez-vous sur KZ.fr. KZ, les placards de K à Z. Du 3 au 12 juin, c'est la semaine de la coopération agricole. Portes ouvertes, visites d'entreprises, dégustations. Consultez le programme sur lacoopérationagricole.coop. Carrefour Market. Comme dans la vie, je suis très nature, à table, je suis très bio. Oh ben ça tombe bien Michel. Jusqu'au 12 juin chez Market, il y a 30% de remise immédiate sur le pack de lait UHT demi-écrémé Biolactel. Oh, j'aime votre nature généreuse. Et c'est aussi valable sur une sélection de produits de marque. Ah, qu'est-ce que vous êtes bio. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 8 fois 1 litre, origine France. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, évitez de grignoter. Soch présente. Eh, tu sais quoi, je suis pas chez Soch. Oh mince, je suis pas chez. Ben Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude. Non mais là c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah oh, super, j'ai passé chez Soch. Oh mince, oh. Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soch promo. Soch. Rapport Arcep 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soch.fr. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis au Clé-sous-Bois dans le magasin de Philippe Marcon. Efficace la nouvelle promo? Largement. L'opération grande largeur, c'est jusqu'à 40% d'économie. Toutes nos largeurs de matelas 160, 180, 200 sont au prix du 140. Grande largeur, sommeil meilleur, et c'est jusqu'au 12 juin. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Et le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'une bouteille de vin rosé de Loire 2015, les Charmerets à 3,80€, la deuxième est gratuite. Oui, une bouteille gratuite. Mais c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. AOP 75 centilitres, soit 5,07€ le litre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le point info à 10h30 sur l'antenne d'RTL après une heure d'émission. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Bernadette, productrice de champagne. On est producteur de champagne et on a livré près de 240 bouteilles pour 3200 euros. On attend depuis un an que l'entreprise veuille bien nous régler. Hervé Pouchol, vous nous avez lancé l'alerte. Bah oui, ça fait une petite heure qu'on essaye d'enquêter sur cette entreprise de communication. Alors, on a laissé des messages un petit peu partout. On a beaucoup de numéros de téléphone, on a plusieurs adresses. J'ai au moins une certitude, ils existent. Ils sont à Issy-les-Moulineaux, dans un très très bel immeuble qui a été dessiné par Jean Nouvel. Ils sont toujours sur place, mais malheureusement, le standard ne répond pas. C'est le propriétaire de l'immeuble qui me l'a confirmé. Ça, c'est beaucoup d'articles sur le net, beaucoup d'articles négatifs sur le fait que les méthodes, les salaires sont pas payés, parfois, en tout cas c'est dit dans la presse, on n'invente rien, et sur Twitter on parle de ça, et du coup sur le @CPVA, où vous pouvez dialoguer avec nous en direct, Germain du Nouveau. Exactement, il y a plusieurs auditeurs qui manifestent leur joie face à ce cas, notamment Victoria Clapson qui dit « Enfin, on découvre ce scandale sur l'agence Révolution 9 », tout comme Aurélie Schmitz qui est heureuse de voir qu'on... Nous avons quelqu'un en ligne. Marie, à l'instant, vient d'avoir quelqu'un, prenez le petit cordon, car c'est sur son portable qu'elle a eu l'appel. Donc nous sommes obligés de connecter son smartphone à la table de mixage pour arriver à avoir quelqu'un en ligne. Pendant ce temps-là, lui parlait le meuble. Tout ceci se fait en direct, mesdames et messieurs, et nous allons nous le passer. Ah ! Oh ! Alors, gardez le cordon à la main maintenant. Si jamais ça rappelle, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis à ce niveau-là maintenant, Sylvie Novakovic ? Eh bien, écoutez, Julien, appartement... Ah, elle reparle. Allô ? Oui, bonjour ! Oui, allô ? Oui, vous m'entendez ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Bonjour, c'est la Révolution 9, R9 ? Oui, tout à fait. Bonjour, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, et je suis avec Bernadette Pierson qui vous a vendu 240 bouteilles de champagne en mai 2015, et elle n'a toujours pas été payée. Est-ce que vous vous rappelez de Bernadette, pour quel événement c'était ? Ah non, ça me dit. Je n'ai pas eu de raison précise. Hein. D'accord. Elle a la facture, elle a tout. Ça fait maintenant très longtemps qu'elle attend d'être payée. Vous ne l'avez pas payée. Voilà. Oui. Avec qui aviez-vous affaire ? Voilà, elle est en ligne avec vous. Avec qui aviez-vous affaire, Bernadette ? Madame, je demande juste à Bernadette. Je reviens vers vous, Madame de Révolution 9. Qui était votre interlocuteur, Bernadette ? À l'époque, c'est Madame Cécile qui m'a commandé le champagne. C-I-C-I-L-E. Voilà. Vous voyez de qui je pense ne travaille plus. D'accord. Vous. Alors, qui peut s'occuper de nous, Madame de Révolution 9 ? Ça va être avec le service comptabilité, Formicher. Vous êtes de quelle société, s'il vous plaît ? Alors, la société de champagne, c'est... Champagne Pierson-Cuvelier à Louvois. Champagne Pierson-Cuvelier à Louvois. Facture 127, commandée fin mai 2015. Voilà, et livré le 12 juin 2015. Il y a donc un an qu'elle attend d'être payée. Oui, Alors, je vous explique, nous sommes à la radio en direct au moment où je vous parle. Il y a madame Bernadette Pierson qui est une auditrice d'RTL et qui vous fournit du champagne, qui nous a appelé en nous disant « Aidez-moi, puisque c'est une émission, on essaie de mettre les gens en relation quand ils ont un problème, aidez-moi, oui. Je ne suis pas payé par Révolution 9. » Donc, il y a un an, elle vous a vendu 3 290 € de champagne et elle attend toujours d'être payée. Voilà. Oui, juste un instant, s'il vous plaît. N'hésitez pas, je vais transmettre le comptable. Merci beaucoup, madame. Alors, Marie, vous récupérez l'appel. On a fait bravo à Marie, en tout cas, qui a utilisé le coup du père François, son propre smartphone. Mais soyez vraiment sur le coup. Bernadette, je vous donne du nouveau. Ça, c'est le cas numéro 1. En ce qui concerne le cas numéro 2, puisque nous sommes toujours dans le point info, Nadine et le voyage à Katmandou. En est-on avec Opodo, Bernard Sabat, s'il vous plaît? Écoutez, je suis tombé sur une plateforme qui m'a bien confirmé qu'un OK aurait été donné par la compagnie au mois de juillet dernier, Julien, et on ne sait pas où est passé l'argent. Et là, la téléconseillère qui s'occupe des remboursements me fait attendre de nouveau pour me trouver une solution. Je n'en crois pas mes oreilles, Julien. Est-ce que nous allons passer peut-être à l'étage supérieur, essayer d'avoir la direction, Bernard? Je l'ai fait en parallèle, Julien, vous en doutez bien. Ils sont en réunion, mais ils viennent prendre mon message à l'instant. On m'a promis de me rappeler avant 11h. Mais ce qui est scandaleux, Julien, et c'est pour ça que je suis très en colère, c'est que eDreams, qui est la base qui est positionnée à Barcelone et qui est propriétaire de toutes ces marques, ne fait pas le job. Ils ne remboursent pas et ils prennent en otage les clients et la plateforme qui est donc à Paris subit ses conséquences. Bon, en tout cas, c'est, se multiplient ces cas. Hein. C'est Opodo, c'est GoVoyage, donc c'est des marques connues en France et puis eDreams se comporte mal. Voilà, je dis tout. Opodo, merci de nous dire ce qui se passe quand une cliente vous fait l'honneur de commander chez vous, vous donne des sous, que vous l'appelez en lui disant « Au fait, pour l'aller-retour... » Tu vas rire, ça sera plus qu'un aller. Il n'y a plus de retour, donc elle annule son voyage, elle dit ben tant pis, donc c'est déjà quand même une galère, il faut se retrouver à notre voyage. Et là, vous n'êtes même pas remboursé au bout de 6 mois. Enfin, c'est de la folie. Bah écoutez, Julien, moi j'ai peut-être un conseil à donner aux auditeurs, tout comme pour le cas précédent d'ailleurs, c'est d'avertir la DGCCRF. Parce que dans le cas précédent pour le champagne, c'est pareil, de nombreuses victimes manifestement qui n'ont pas été payées. Là encore, dans le cas d'Opodo, des gens réclament le remboursement, ça met des mois. Donc la DGCCRF doit faire une enquête, vraiment, sur ces deux entreprises. Pas, peut-être pas, en tout cas qu'il l'a remboursé. Une plainte doit être formulée auprès de la DGCCRF en des mois. Ça, je vous ai prévenu, la SUSE, moi je n'attaque jamais avant 17h. Taisez-vous. Et ensuite, le matin, sinon ça fait bafouiller. Et ensuite, je termine ma phrase. Et ensuite, la DGCCRF, si elle estime, donc la Direction des Répressions des Fraudes, si elle estime qu'il y a une fraude, pourra saisir le procureur de la République qui fera son enquête. Ah, vous elle comprenez, a été jusqu'au bout. Et croyez-moi, avec un caillou dans la bouche, c'est pas facile. Je vais jusqu'au bout. C'est un galet qu'elle avait. Un savon Roger galet, en fait, vite, elle avait dans la bouche. Bon, bravo en tout cas à Maître Nankovic, qui connaît bien son affaire. Oui. Deux alertes peuvent arriver à n'importe quel moment et nous allons vous donner du nouveau grâce au journal radio de cas qui ont été traités hier ou avant-hier. Bref, il va se passer un maximum de choses. Il est 10h37, vous êtes sur RTL et vous écoutez le 9h30-11h. La seule radio qui s'occupe et qui fait du service clé en main pour ses auditeurs, c'est RTL. A tout de suite sur RTL pour la suite. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Stéphane, quand il ne fait pas de sport, il les regarde sur grand écran. J'aime me sentir avec eux sur le terrain, vivre à fond les émotions de l'instant. Eh bien, jusqu'à demain en magasin et sur Auchan.fr, le téléviseur connecté LG Full HD 140 cm est à 599 € au lieu de 749, soit une économie de 150 €. Waouh, 599 € un téléviseur LG 140 cm. Je file chez Auchan. Auchan, la vie que j'aime. Dont 5 € d'éco-participation, classe énergétique A+. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtre, volet, porte, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Jean-Pierre, mon ordi est encore planté. Allons, Isabelle. Goûtez-moi cette tablette au caramel fondant de Réauté Chocolat. Fabricant français. Jean-Pierre, j'adore votre nouvelle coiffure. Découvrez-vous aussi l'effet Réauté chocolat, avec 16 nouvelles tablettes à partir de 2,95€. Réauté chocolat, 51 magasins. Pour votre santé, bougez plus. Oh là là, balle de match pour le français. Mais oui, il sert et... C'est le grand retour de l'alerte discount spécial frais. Aujourd'hui et demain, les 6 steaks à griller Origine France sont à 6,99€ le kilo chez Netto. Avec l'alerte discount spécial frais, on est toujours bien servi. Netto, le discounter qui fait la différence. Viande bovine une étoile, 900 grammes environ. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on conduit Citroën C4 Picasso avec Vision 360 et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, profitez d'une reprise Argus plus 5 500€ sur Citroën C4 Picasso. Citroën. Équipement selon version, offre valable jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un Citroën C4 Picasso AMB7 ou intérieur 9 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Géant, c'est le mois bien fait pour vous chez Géant. Ce week-end, profitez d'une offre exclusive. Jusqu'à 30% de remise en bon d'achat sur une large sélection de télévisions. Géant pour regarder les matchs de foot de l'été ou sa série préférée. C'est ce week-end seulement et c'est chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur tout le magasin du 6 au 12 juin. Voir conditions en magasin. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Sur RTL. Hervé Pouchol est en train de parler apparemment avec quelqu'un de la société de communication. Hervé, pouvez-vous brancher s'il vous plaît le câble dans le trou? Alors, aidez-moi parce que je n'ai qu'une main. Voilà. Je suis avec Olivier. Je suis avec Olivier. Vous m'entendez, monsieur? Baillet, oui. Qui est le directeur Bonjour. Général. Bonjour. Monsieur, donc Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et navré hein, de vous embêter, mais vraiment, cette dame a besoin qu'on lui paie le champagne qu'elle vous a livré il y a un an. Comment peut-elle faire? Okay. Je viens d'avoir l'information, ce que je disais à votre collaborateur, vous me laissez 5 minutes, je vous vérifie ça. Ça marche. Et puis, dans 5 minutes, vous avez une réponse. Allez, il est 10h41, on va vous appeler à 46, on s'appelle, je vous repasse Hervé, comme ça vous pouvez nous dire où ça en est. Donc on est bien d'accord que c'est Bernadette Pierson, vous avez tout monsieur, je compte j'ai sur tout, vous. Monsieur. Allez, ça marche, on fait comme ouais. Ça. Vous avez entendu Bernadette? Et je vous remercie. Alors attendez, je ne sais pas ce qu'il va nous dire. Il va nous dire que oui. Dans 5 minutes, il ouais. Regarde vraiment le dossier. Déjà qu'il vous ait répondu au téléphone, ouais. C'est déjà une bonne chose. Et ça nous permettra de voir le sérieux de l'entreprise ou non, car au bout d'un an, ça fait quand même beaucoup, je trouve, pour payer un fournisseur. Oui, maître voilà. Nakovic. Je demanderai ça à monsieur. Ah, il n'y est plus. Il n'y est plus, on l'a débranché. Ah, parce que. Alors, mais allez-y si vous voulez. Pendant ce temps-là, Hervé est en train de lui parler. Qu'est-ce que vous oui, vouliez bah, lui dire? Je vais simplement lui dire que sinon, il y aura une histoire de plainte pénale dans l'affaire, parce que c'est inadmissible. Apparemment, il faut qu'il règle. J'y vais de ce pas, Julien. Des gens se sont regroupés, je crois, sur un Facebook. Hein, c'est ça, Sarah, pour faire... Je vous le confirme, Julien. Effectivement, ils expliquent qu'ils se sont regroupés le 10 décembre dernier, en fait, dans une brasserie. Ils étaient une trentaine de personnes, effectivement, à déposer... Et oui, effectivement, à déposer une plainte groupée. D'accord. Donc, je vais communiquer sur okay. Celle-là. Alors, je vous donne un petit tuyau, vous qui voulez faire carrière dans la radio. Quand vous parlez dans un micro, ne mettez pas le micro sur le sein. Rien ne sort par là, c'est en face de la bouche. Là, elle avait carrément le micro sur la poitrine. Ce qui fait qu'on avait l'impression qu'elle était ventriloque. Toujours en face de la bouche. On va se retrouver pourquoi pour des... Ah, elle dit pourquoi pas. Bah, ça. Après, chacun sert son truc. Hein. Moi, je ne suis pas contre non plus de temps en temps. Vous savez, j'ai fréquenté tellement de notaires que ça m'a donné des idées. Mais là, pour l'instant, pour faire de la radio, il vaut mieux parler avec le micro en face de la bouche. Maria qui vit un calvaire, vous vous rappelez, c'était hier. Elle a une maison et juste à côté, un garage qui devient carrosserie. La fumée, les odeurs d'acide, etc. La peinture, elle vit l'enfer. On a appelé la mairie, ça c'était pas... On nous a pas répondu d'ailleurs. Il paraît qu'il y a du nouveau. Il me tarde d'en savoir plus. Il est où le bonheur? Il est où? Top, coupé. Non, ça y est, c'est... À chaque fois que j'écoute le début de ce livre, j'ai l'impression que c'est Bernard Sabat. Je vous assure. Il est Simon, où le bonheur? Simon. C'est Simon, Simon. Faites-nous-le une fois. Je n'ai pas entendu... Il est où le bonheur, dites-nous? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Christophe Maé de retour sur RTL. Une petite annonce très importante qui me tient à cœur, qui tient aussi à cœur à notre directeur des programmes. C'est la Traviata's Company. Figurez-vous qu'il le théâtre des variétés va accueillir un super spectacle qui est joué en grande partie par de jeunes autistes professionnels handicapés ou pas d'ailleurs, et amateurs autistes ou pas. Tout ça se mélange formidablement bien. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté, le bien que ça fait à ces jeunes touchés par la maladie de jouer. Et souvent, ils se transcendent et sont extraordinaires. Traviata's Company, 3, 4, 6, 7 juin, Théâtre des Variétés, durée 2 heures. Grand spectacle. Merci d'y aller et de soutenir ça. Nous avons une alerte qui arrive sur quelle, s'il vous plaît, deux alertes. Oui, c'est moi, Julien, sur le cas voyage. Je suis fou de rage, fou de colère avec Opodo. Après avoir attendu exactement 26 minutes, la réponse que j'ai d'Opodo sur la plateforme, c'est désolé, mais l'argent est auprès de la compagnie. On se bat avec Turkish Airlines pour récupérer les sous. Voilà l'argument. Il est inacceptable et je ne tolère pas ce genre de réponse. J'ai demandé de parler à un superviseur. En parallèle, je sais que la direction appelle Barcelone pour obtenir le remboursement. Mais regardez ce que vivent aujourd'hui nos auditeurs. Ça fait deux fois. Ah oui, la dernière fois, je tiens à vous le dire, on a aussi appelé Opodo qui nous a répondu la même chose. Nous, on n'y est pour rien. Alors, ils sont dans ces cas-là, on ne fait pas agence de voyage. Parce exactement. Que on réserve directement chez Turkish Airlines. On n'a pas besoin d'Opodo. Parce que quand Turkish Airlines annule, Opodo dit, bah, tant qu'eux, ils ne nous ont pas remboursé, on ne vous rembourse pas. Je vous le dis, ça fait maintenant deux, sinon trois fois. Faites attention, les enfants, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on va nous laisser tomber parce que de toute façon, ils ne font pas grand-chose. Oui. Donc on appelle le grand, comment s'appelle-t-il le président d'Opodo? Alors, c'est une dame, son nom est Opodo, noté, c'est Dana, oui, c'est Dana Dune. Dana Dune. Ou Dune. Ah bah, oui. Ça dépend comment on le prononce, Julien. Dana Dune, Dana Dune. Ça dépend si elle est française ou américaine, c'est Dune ou Dune. Dana Dune. Écoutez, il faut vraiment, on ne peut pas comme ça annuler des vols et ne pas rembourser les gens. Mais enfin, c'est quand même, ces gens-là, si on leur faisait le coup, ils réagiraient comment? Et pas de remboursement au bout de 6 mois, c'est de la folie. C'est pas sérieux du tout. C'est Opododo, là, pour l'instant. Bon, alors essayez d'avoir Turkish Airlines sur une autre ligne, s'il vous plaît. Si quelqu'un n'a rien à faire, vous m'appelez Turkish Airlines pour essayer d'en savoir plus. Tout à fait, Julien. Et scandaleux en plus qu'ils se retournent vers leur partenaire, puisqu'en fait, c'est l'interlocuteur, effectivement, de l'auditrice, des gens qui achètent les billets. Donc, c'est Opodo qui doit assumer, quitte à se retourner ensuite en plus, contre l'autre. Si je ne m'abuse, Turkish Airlines fait des super pubs à la télé. Oui. En ce moment, découvrez le monde autrement. Hein. Elle l'a découvert autrement, Nadine. Elle l'a découvert en prenant une autre compagnie. Vous découvrez le monde autrement? Oui. Comment vous faites? Ben, je prends une autre compagnie. Parce que Turkish Airlines, ils ont annulé le retour et ils remboursent pas. Donc, j'aimerais bien revoir le slogan d'ailleurs. Parce que moi, ce que j'adore aussi dans cette émission, c'est la différence entre ce qu'on voit et puis la réalité. Alors, vous m'appelez, vous me trouvez Turkish Airlines. Une pause et nous revenons donc sur cette dame qui nous dit hier, Maria. Maria nous dit, Julien, J'achète une maison, la maison du bonheur, maître Novakovic, et tout d'un coup, un garage. Et le garage devient carrosserie. De la fumée commence à sortir. La fumée arrive chez moi quand il y a du vent. Et surtout, ces odeurs d'acétone, enfin je ne sais pas quels sont ces produits, elle vit l'horreur, elle était là la première. On a appelé la mairie, et la mairie hier nous a dit « on ne parle pas ». Mais entre-temps, Hervé Pouyol, vous avez eu, je crois, la mairie, vous allez nous dire ce qu'ils vous ont dit dans l'après-midi, on est d'accord ? Alors j'ai eu hier après-midi la maire adjointe. D'accord. Parce qu'on a eu beaucoup de mal à joindre la mairie et le maire était très occupé à cause des donc, inondations. Vous allez nous le dire dans une seconde et vous nous confirmerez qu'elle était sûrement en larmes, non ? Pas elle ? Elle était très émue. Ah bon, d'accord. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Avec Maxime et sa femme qui observent des poissons. Bah, ils profitent de la mer avec leur nouveau kit masque et tuba sans de tribord. Masque très confortable avec jupe en silicone qui épouse parfaitement la forme de leur visage. Ah, je vous interromps là, mais Maxime se fait dépasser par un gros mérou, petite frayeur. Oui, c'est ce qu'on appelle une queue de poisson. Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le kit adulte masque et tuba sans de tribord à 7,99€ seulement. Decathlon, à fond la forme, voir conditions en magasin et sur decathlon.fr. Du 3 au 12 juin, c'est la semaine de la coopération agricole. Portes ouvertes, visites d'entreprises, dégustations. Consultez le programme sur lacoopérationagricole.coop. Chérie, vite, elle est revenue. La carte 10-10 Bricorama ? Oui, à nous les 10% de remise immédiate sur tous nos achats jusqu'au 28 août et pour seulement 10 euros. 10% de remise sur tous nos achats jusqu'au 28 août chez Bricorama ? Oh, j'adore Bricorama. Bricorama, entre nous, une même passion. Voir conditions et magasins participants sur bricorama.fr. Votre lave-vaisselle vous rend service tous les jours ? Alors faites-lui plaisir. En ce moment, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un maxi-pack de 38 tablettes tout en un Ultimate Sun, le second est à 0€ au lieu de 7,80€. Mais c'est jusqu'au 5 juin seulement. Avec Casino, prenez goût aux économies. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Qui habille, colore la vie. Les t-shirts Disney, ce n'est pas réservé qu'aux... Aujourd'hui, toute la famille trouve chez Kiabi des t-shirts avec ses héros préférés. Et pour nous les filles, le top de l'été, c'est le débardeur Disney, très tendance, très fashion, en 5 coloris à seulement 6€. Oui, 6€ le débardeur Disney. Du 1er au 14 juin, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et nous sommes dans le Money Time puisque ça sonne de tous les côtés. Nous allons revenir sur le champagne qui a été livré. C'est ce que nous a dit Bernadette à Révolution 9R9, l'agence de com qui ne l'aurait pas payé depuis un an. 240 bouteilles, 3290€. C'est à vous Hervé Pouchol. Olivier Baillet, directeur général de Révolution 9, est en ligne, Julien. Monsieur Baillet, je vous écoute. Nous sommes en direct sur RTL. Que peut-on dire à cette productrice de champagne ? Bonjour, monsieur. Allez-y, bonjour. Monsieur. Écoutez, j'ai la facture devant moi. Le dossier va être traité avant midi. C'est super. Midi, le chèque ou le virement part ? Oui. Voilà, vous avez entendu, madame ? Oui, très bien. Bon, et ça part plus. Aujourd'hui, comme ça, vous pourrez continuer, si vous le voulez, à faire des affaires avec eux. Je compte vraiment sur vous, monsieur. Vous m'appelez demain. Sarah vous appelle dans l'après-midi pour nous dire que vous avez bien eu le virement ou le chèque, ou en tout cas lundi. On fait comme ça ? Entendu. Eh bien, écoutez, merci de votre considération. Je vous en prie, merci à vous, monsieur, de vous être occupé de ce cas. Hervé Pouchol vous reparle. Merci. Deuxième alerte. Le cadeau Podo avec Nadine et son remboursement. Laissez-moi rappeler aux gens qu'elle est partie, elle devait partir à Katmandou et un aller-retour avec Opodo via Turkish Airlines et on lui annonce quelques jours avant, le retour n'aura pas lieu. Elle annule tout, elle demande remboursement et elle poirote depuis octobre 2015. Depuis 31 minutes, évidemment, Opodo a craqué et a raccroché. Bertrand Cognard, le responsable de la communication du groupe, m'a promis que cet après-midi, on aurait donc un virement pour rembourser évidemment Nadine pour ce cas qui paraît extraordinaire, merci, mais bravo. C'est la moindre des choses. Bravo monsieur Cognard, parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à un site si quand il arrive des choses pareilles, déjà, vous imaginez la galère quand le voyage est annulé, si en plus on n'est pas remboursé, là, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, normalement, deux remboursements vont être faits dans l'après-midi. Oui, grâce aux équipes, Hervé Pouchol, Bernard Sabat, Sarah, Marie, Germain, Germaine, Jean-Paul, Jacques, Pierre, Paul, tout le monde s'y est mis. Allez, et nous allons continuer maintenant avec une super bonne nouvelle que nous allons annoncer, si vous le voulez bien, à l'une ou l'un d'entre vous, puisque vous avez joué. Mais vous avez joué pour partir une semaine dans un des 82 villages. Ils sont partout, à la montagne, à la mer, à la campagne, dans tous les lieux magiques. Et là-bas, eh bien, c'est l'ambiance familiale, l'ambiance canoë, promenade en vélo, les enfants. On rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'activités. C'est les vacances comme on les aime. Alors, qui a été choisi? Et j'en profite pour vous dire que tout au long de la semaine prochaine, c'est les plus beaux cadeaux. Je crois qu'en 15 ans d'RTL, je n'ai jamais eu autant de beaux cadeaux à vous faire gagner. Vous allez avoir un téléviseur, vous savez, ils sont larges comme des autobus et incurvés. C'est juste de la folie, il y en aura un par jour. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, un par jour, pour que vous puissiez suivre l'euro dans les meilleures conditions ou la chaîne du tiercé comme l'aime Maître Novakovic tous les jours également. C'est vous qui choisissez votre programme. Est-ce qu'on a quelqu'un? Ah, vous n'aviez pas renvoyé. D'accord, c'est pas grave, j'avais pas fait le signe, autant pour moi. Je meublais et elle attendait. Pendant que je meuble, toi tu attends. Prends. C'est pour ça que ça prend autant de temps. J'ai l'humeur à sortir des albums oui, aujourd'hui. J'ai l'impression. Je le sens. Oui, allô? Oh, Dieu, je vous en prie, Maître Novakovic. C'est pas parce que vous avez regardé un film coquin hier soir qu'il faut nous refaire les dialogues. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Julien. Oh oui, je fais pas d'imitation, Nicolas, ça marche jamais. Donc je me présente directement. Ça va, mon Nicolas? Que faites-vous dans la vie? Je suis chauffeur-livreur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau là-bas chez vous ou ça va? Non, franchement, en Bretagne, on n'a pas eu d'inondation. C'est quand même un comble qu'en Bretagne, où toute l'année, les gens... Non, mais c'est vrai, on n'arrête pas de se moquer, il pleut tout le temps là-bas, vous n'avez pas d'eau, tant mieux. Que faites-vous dans la vie, chauffeur-livreur? Vous avez une fille? Oui, c'est ça, une petite fille, et j'en attends une deuxième qui arrive pour le mois de septembre. Oh, et alors la maman doit avoir envie de se reposer? Oh bah elle se repose déjà pas mal. Hein. Bon, dis donc, je vous en prie. On voit que vous n'avez jamais accouché. 82 villages à votre disposition. Vous en choisissez un. Bravo VVF. Et vous partez en famille. Tout est compris. On est d'accord? Super. Merci beaucoup, Julien. C'est moi. Et comment on sait si c'est un garçon ou une fille le prochain? C'est une petite fille. Oh, vous avez déjà choisi le prénom? Oui, mais bon, je vous le dirai pas. Ah, c'est secret, ça porte malheur de le dire. Bien. Eh bien, embrassez la petite Cunégonde pour moi. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir. Merci encore, VVF. Éclatez-vous bien là-bas avec VVF, c'est toujours des vacances. On n'est jamais déçus, on rencontre plein de gens. Écoutez, les enfants, je crois qu'on a bien avancé sur les dossiers. Alors, on va revenir aussi sur le cas de Maria, mais on reviendra lundi matin. Je suis désolé, mais il fallait faire tout ça. Vous nous direz, Hervé, lundi, ce que vous a dit la mairie concernant. Il faut vraiment que la mairie aille sur place et voit qu'elle ne nous raconte pas d'histoire. Elle vit à côté d'une carrosserie qui est venue après. Comment a-t-elle pu s'installer là? Je n'en sais rien, mais elle vit l'enfer. Ils sont rendus deux fois sur place. Je vous en dis un petit peu plus la semaine prochaine, s'il ou vous maintenant plaît. Oh non, lundi matin. Hein, je laisse le suspense. Allez, juste un petit mot, vite. Alors j'ai eu la maire adjointe qui m'a appelé hier après-midi. Vite, à l'essentiel. Et ils sont rendus sur place à deux reprises. Ils ne laissent pas tomber Maria. On en saura plus. Mais est-ce qu'ils sont conscients de la gêne? Oui, absolument. Et ils ont bien vu qu'elle ne mentait pas. Le bruit et puis surtout les odeurs. Voilà. Abonde. Le 9 juin, nous aurons l'adjoint à l'urbanisme qui va répondre à toutes nos questions et pour avancer pour le dossier de Maria. Eh bien, c'est comme ça que l'on termine. C'est la fête à Neneu, c'est génial. Et dimanche soir, de 21h à 23h, il y aura MC Courbet et DJ Casso. Deux heures de funk et de disco de 21h à 23h dimanche soir. Que vous êtes gâtés. Et encore un prix inratable. J'ai eu, ben oui. C'est la tomate ronde en grappe catégorie 1, origine France, à 99 centimes seulement le kilo. Répétez ça. 99 centimes le kilo de délicieuses tomates rondes en grappe si parfumées. Moi, j'en conclus, c'est inratable. Un point, c'est tout. Y a pas à discuter. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Et là, chérie, j'ai suggéré que l'entreprise passe chez Direct Energie pour l'électricité et le gaz. Ah, et donc? Et donc, mon patron a trouvé ça super malin, et donc on économise 10% grâce à moi. Et donc? Eh ben, on a une nouvelle photocopieuse. Ah, super. Avec Direct Energie, en 5 minutes et dès aujourd'hui, les professionnels aussi peuvent payer l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergie.com. Service et appel gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche. Et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'une bouteille de vin rosé de Loire 2015, les Charmerets à 3,80€, la deuxième est gratuite. Oui, une bouteille gratuite. Mais c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. AOP 75 centilitres, soit 5,07€ le litre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Le village préféré des Français 2016 sur France 2 fête cette année son 5e anniversaire. Une nouvelle fois, je vous emmène sur les routes de France. Nous partirons à la découverte de 13 nouveaux villages magnifiques et de leurs habitants. En fin d'émission, je vous révélerai le nom du village que vous avez élu, le village préféré des Français 2016. Notez bien, le village préféré des Français, c'est mardi à 20h55 sur France 2, en partenariat avec RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là j'ai le moral à plat. Bah t'as pas la pêche? Bah oui, parce que chez Lidl ils ont les pêches, et plates en plus. Aujourd'hui et demain la barquette de 500 grammes de pêche plate est à 1,29€. Ah oui, des pêches plates à 1,29€ la barquette. C'est sûr, le moral en prend un coup. Ah, pas celui des clients Lidl patron, hein. Des pêches à 1,29€. Pour en déguster, il va falloir qu'on se dépêche. Ouais, moi j'en connais un qui va déguster, ouais. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,58€ le kilo, catégorie 1, origine Espagne. Lundi, nous aurons un invité, comme nous le ferons d'ailleurs de manière régulière. Eh bien, ça sera Élie Semoun qui va faire l'émission avec nous lundi matin. Élie, qui, je crois, aime bien l'émission et qui s'en est beaucoup inspiré d'ailleurs dans ses sketchs. Donc, ça devrait être une belle matinée avec des tas de cadeaux à gagner. Merci, Maître Novakovic. À tous. Merci, Maître Felono. Merci, les négociateurs. Merci, Julie. Merci à toutes les équipes. Stéphane Bern en direct de Marrakech dans une seconde. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. J'aime tes conseils experts, ta qualité made in France, ta pose très professionnelle. Et comme le Rénov est RGE, vous allez adorer les 30% de crédit d'impôt. Volets, portes et fenêtres, tout le monde dit I love le Rénov. Voir conditions en magasin ou sur lerénov.fr. RTL 11h, bon week-end. L'information, c'est avec Yann Boucherie. Rebonjour Yann. Rebonjour Julien, rebonjour à tous. Fin de l'alerte rouge crue, inondation en Seine-et-Marne. 13 départements désormais sont en vigilance orange. L'heure est au soulagement à Nemours et Longjumeau, deux des localités jusqu'ici les plus touchées. Le niveau des eaux a parfois baissé de près d'un mètre dans la nuit, mais les deux communes restent toujours privées d'eau potable et d'électricité. La décrue sera très lente dans les régions inondées. Il est à craindre qu'on puisse découvrir des victimes, a déclaré ce matin la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. En amont de Paris, d'autres communes, en revanche, sont touchées par la montée de la Seine. Juvisy et Viry-Châtillon, notamment. Thomas Proutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes justement à Viry-Châtillon pour RTL. De nouvelles évacuations ont été lancées ce matin. Absolument. Les pompiers et les employés communaux sillonnent désormais les rues du quartier pavillonnaire Pasteur, dont les rues commencent à être envahies par les eaux. Il s'agit en fait de convaincre les habitants d'évacuer. Des caves sont déjà inondées et les égouts refluent les eaux de la Seine. C'est en fait assez impressionnant à voir. Le fleuve est à 100 ou 200 mètres d'ici, mais l'eau en fait remonte par les canalisations qui s'écoulent après dans la rue, qui envahissent le bitume. Il y a pas loin d'ici un pont de chemin de fer et sous ce pont, il y a quasiment 2 mètres d'eau avec un camion qui est bloqué là. La Seine a atteint une hauteur de 4,80 m ici à Viry. C'est 10 cm de plus que hier soir. Mais le pic de crue est attendu vers 16h. C'est pour cela, encore une fois, que la mairie demande aux habitants de respecter les demandes d'évacuation pour ne pas avoir à intervenir plus tard dans l'urgence avec des barques et des canaux. 65 personnes sont déjà hébergées, réfugiées dans des gymnase de la ville et des centaines d'autres sont partis chez des amis ou dans de la famille, tandis que l'eau continue de monter, je vous le disais ici à Viry-Châtillon, en amont de Paris, un peu plus au sud de Longjumeau, mais on est toujours effectivement dans l'Essonne. Merci beaucoup Thomas Proutot en direct de Viry-Châtillon. Manuel Valls se rendra en fin d'après-midi dans le département de l'Essonne auprès des sinistrés. Rappelons qu'environ 20 000 foyers au total restent privés de courant ce matin dans le Loiret-Cher et l'Île-de-France. À Paris, les voies sur berge sont fermées, tout comme les musées du Louvre et d'Orsay, ainsi que la Grande Bibliothèque. Et les prévisions viennent d'être révisées à la hausse. La Seine pourrait atteindre un pic à 6,20 m dans l'après-midi, un niveau sensiblement égal à celui de la dernière grande crue en 1982, selon la Direction régionale de l'Environnement et de l'Énergie. La précédente prévision prévoyait un pic à 5,90 m. Toujours des perturbations à la SNCF en raison du mouvement de grève, mais aussi des inondations sur le RER D. En Ile-de-France, la SNCF annonce une reprise progressive du trafic qui avait été suspendu entre Villeneuve-Saint-Georges et Melun sur le RER C. Trafic, on le sait, interrompu entre Paris-Austerlitz et Javel, également entre Paris-Austerlitz et Pontoise. Un homme de 20 ans a été placé en garde à vue ce matin dans l'enquête sur un incendie dans un immeuble du 20e arrondissement de la capitale qui a fait 2 morts dans la nuit de mardi à mercredi. Le feu s'était déclaré dans un bâtiment de 7 étages. Des traces d'hydrocarbures ont été trouvées sur les lieux selon la police judiciaire de Paris. Le football est une information de Jean-Louis Pacul, notre correspondant à Marseille. L'opération de naming du stade Vélodrome lancée par la mairie vient de s'achever et la municipalité a choisi finalement de s'associer avec l'opérateur téléphonique Orange. Reste à connaître le montant et la durée du partenariat. Laurent Blanc serait-il sur la sellette? Dans un entretien au journal Le Parisien, Nasser El Khelaifi promet de gros changements dans le club de la capitale. Le président du PSG avoue avoir été très déçu par l'élimination contre Manchester City en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain doit-il remplacer Laurent Blanc? C'est la question des auditeurs. Vous pouvez voter dès maintenant sur rtl.fr. On attend vos appels également au 32-10 à partir de 12h30. Les courses ont lieu aujourd'hui à Vincennes en nocturne. Les pronostics de Bernard Glass, le 6 Akido, le 16 Valco Genila, le 15 Udoz Euler, le 13 Alpha Saltor, le 7 Utinka Seloise, le 10 Annette Dumirel, le 8 Going for Gold Zaz, le 5 Anou 3, dernière minute le 13 Alpha Saltor. La météo de ce vendredi, sur les trois quarts nord du pays, le temps restera très souvent nuageux, des averses parfois orageuses affecteront surtout les régions de l'Est entre la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et la Bourgogne. Sur la Bretagne, la Basse-Normandie et le Poitou-Charentes, le temps sera sec. Du nord au centre, en passant par l'Île-de-France, en revanche, le ciel restera